C'est le destin qui me fait un signe, plus ça va et plus j'y pense. Là maintenant il serait peut-être temps que je prenne des vacances. Je sais alors j'y vais, mais tout d'abord il faut que je trouve des fringues. Un maillot de bain, des sombreros, des trucs de dingue. Eh ouais, je suis un original, c'est ça la classe. Bon, je suis au magasin et après je me casse. Ça y est, c'est l'été. J'ai sorti l'artillerie pour vous cueillir le coquillage. Ah oh oui, cueillir le coquillage. J'ai fait 2 mois de régime, j'ai arrêté le pâté. J'ai fait 2 mois de muscu aussi pour les épater. J'ai pris 2 briques sur moi aussi pour les appâter. Mais je sais pas pourquoi sur cette plage pour moi ça sent le pâté. Ça, c'est l'été, c'est l'été. Si tu veux danser. Méthode de drague, ça marche à 100%. Bonjour madame, je viens réparer la photocopieuse. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut? Non, je veux dire, vous êtes belle. Si votre amas se rapporte à votre maillot de bain, je vous ferai bien l'amour sur la plage. C'est de moi. Quoi? Ouais. Bah te casse pas. Ouais, c'est pas grave, de toute façon je m'en fous, j'en trouverai bien une autre. La première qui vient. Bonjour Koé. Eh merde. Viens danser. Non, je sais pas danser. Mais si, tu vas voir, c'est simple. Il suffit de lever les bras et de danser. Ah non, non. Mais si, tu peux. Sinon, pas de bras. Pas de Koé. Oh, d'accord. Ça y est, c'est l'été, c'est l'été.